Parce qu'elle est belle, mais elle est encore plus belle à 150 mètres de haut. Oh, oh, oh. Elle est bonne, mais elle est encore plus bonne à 100 km à l'heure. Eh ouais mec, la passion du risque, je l'ai moi. Eh, hey, tomber dans le vide, je fais ça. Eh, hey, la passion du vide, je l'ai moi. Eh, hey, tomber dans le risque, je fais ça. Parce qu'elle est belle, mais elle est encore plus belle à 150 mètres.